맘엔 크리스탈. Tu le sais, maman. Je reste en bon contact avec les mamans de mes ex. Ce soir, 3 salles, 3 ambiances dans mon triplex. Maman, Curry sale, ouais, Curry sale, ouais. J't'encule avec un râteau. Pourtant, j'suis pas de château de sable. Curry sale, pour tous les sraps, maman. Tu le sais, Curry sale, dans toutes les boîtes aux lettres, maman. Curry sale, charbonne la douce beurette. Curry sale, maman. Je laisserai que les miettes. Que du sale poteau. On lave pas le linge sale. On s'en bat les couilles. On bouge à la salle. Ouais. J'fume du shit des gros tarpés. Et j'mets en I dans toute la cité. Que du sale m'amène. On mange des ramen. On mange des neb. Et des samoussa. Casso samouraï. Ouais, m'amène. Bra, QDS dans les packs, ma mère. Tu le sais, tu t'abuses quand c'est le bordel au bordel. Les cheveux longs et soyeux comme Vin Diesel. Ça t'es malheuse, cake, et t'es devenue toute pâle. Normal, y'a du vent dans la voile sur la rivière du sale. Curry sale, pour tous les sera ma mère. Tu le sais, curry sale, dans toutes les boîtes aux lettres, ma mère. Curry sale, charbonne la douce beurette. Curry sale, ma mère. Je laisserai que les miennes. Si je débarque à ta boum, c'est pour zouker quelques mineurs. Avec ma teubi, j'arrive à faire des doigts d'honneur. Viens des quatre coins du monde lécher mes deux petits globes. Les cheveux fous comme Tighty Bob. Curry sale, pour tous les sera ma mère. Tu le sais, curry sale, dans toutes les boîtes aux lettres, ma mère. Curry sale, charbonne la douce beurette. Curry sale, ma mère. Je laisserai que les miettes. My man, que du sale. Everyday, my man. Everyday, I make du sale. C'est un style de vie, poteau. C'est une religion. C'est un fait. Fais du sale, my man. Avant que c'est le sale qui fasse.